Chapitre 23e. Souffrance. L'émotion submergea immédiatement Aurore Fèvre. Elle répondit avec difficulté. Les larmes commencèrent à couler. Par le directeur. Vous comprenez, cela faisait 3 jours que Marion n'était pas venue en cours et, pour une fille comme elle, c'était inconcevable. Cela vous a-t-il inquiété ? Aurore Fèvre jeta alors un regard misérable à Dutilleul, et soudain celui-ci la trouva à la fois très jeune, très vulnérable. Il pouvait aisément deviner la suite. Tout ça, c'est de la faute de Jess, expliqua Aurore Fèvre. Cette idiote pensait que Marion avait fait une fugue. Comme si c'était son genre. J'ai toujours trouvé ça débile, mais à l'époque, je n'osais rien dire. Jess était plus importante que tout. Je ne voulais pas me retrouver exclue du groupe, et puis, même si j'en ai honte aujourd'hui, on passait vraiment de super week-ends ensemble. Ses parents avaient une baraque géniale en Normandie avec piscine intérieure. Jess pouvait y aller quand elle voulait, du moment qu'elle n'y mettait pas trop le souk. Marion n'est jamais venue avec vous ? Non. En fait, j'ai compris bien plus tard que Jess ne pouvait pas la saquer. C'est seulement à ce moment-là que j'ai commencé à ouvrir les yeux. Jess était jalouse. Elle ne supportait pas qu'une fille comme Marion puisse avoir plus qu'elle. Je crois qu'elle la détestait d'entrée, parce que celle-ci était beaucoup plus jolie, même s'il ne s'en préoccupait pas trop. Elle était très grande, très fine. Elle n'avait pas besoin de constamment surveiller sa ligne, et elle n'avait pas encore eu recours à la chirurgie esthétique. Dutilleul était désolé de devoir couper la jeune fille dans son élan, mais il devait poser la question suivante. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez su ce qui était arrivé ? On était tous dévastés. Bien sûr, au départ, le directeur ne voulait pas trop nous donner de détails. Mais on les a trouvés dans un article du Parisien. C'est ce qui nous a permis de prendre contact avec le tuteur de Marion, Maître Vérel. On voulait tous aller à l'enterrement, sauf Jess, naturellement. Je crois que Maître Vérel a été assez content de notre décision, et je suis heureuse de l'avoir fait. C'était... La voix se brisa à nouveau, mais la jeune fille n'en poursuivit pas moins courageusement. C'était un très bel hommage. On a lu des poèmes. Jean Gabriel en avait écrit un particulièrement touchant. Je le relis de temps en temps. Il me fait du bien. On a jeté des fleurs. Maître Vérel avait organisé un repas. Quelque chose de très simple, mais on sentait une vraie communion. C'était très fort. Ensuite, on s'est séparés et Marion est restée derrière nous. C'est ça qui a été le plus dur. Ne plus l'entendre. Ne plus la voir sourire. J'ai eu vraiment très mal. J'ai appelé maman. J'avais envie de hurler si fort. J'ai dû arrêter la voiture sur le chemin du retour, intervint Madame Fèvre. Je sentais que ma fille était vraiment mal. J'ai traversé la route comme une furie. Je hurlais comme une folle. Je ne pouvais plus me contrôler. J'étais tellement en colère. Je voyais sans cesse Marion. J'ai vomi longtemps. J'avais froid. Je me souviens que je me suis assis sur une butte et que j'ai pleuré. Maman m'a laissé tranquille. Quand je me suis senti un peu mieux, j'ai regagné la voiture et nous sommes rentrés. Vous n'allez pas en cours ? Non, je n'ai pas la force, pour l'instant. Papa et maman étaient très chics. Nous avons accordé une année sabbatique à notre fille. Nous avons pensé que c'était sans doute le mieux que nous pouvions faire en dehors de la soutenir. Dutilleul s'adressa à Aurore Fèvre d'une voix particulièrement douce. Vous savez qu'il faudra y retourner. Il faut reprendre le fil de votre vie. Oui, je le sais bien, soupira Aurore Fèvre. Cependant pas dans le même établissement. Ça, je ne pourrai jamais. Madame Fèvre intervint. Nous pensons la faire partir aux États-Unis. Mon mari a quelques contacts là-bas. Nous sommes en train d'étudier la meilleure solution possible. Tout, sauf la Californie, dit Aurore Fèvre avec un pauvre sourire. Je préférais la campagne, un ranch avec des chevaux. Ton père est en train de tout faire pour que ce soit possible. Je le sais bien, c'est seulement... Dutilleul demanda gentiment. Vous êtes suivi par quelqu'un ? Cela fait partie du contrat, dit Aurore, 2 fois par semaine. Cela vous aide ? Un peu, du moins quand je parviens à émerger du brouillard. Alors il faut continuer. Vous avez de la chance d'avoir de tels parents. Oh, ça je le sais. Tout le monde fait un gros effort. Mes frères sont adorables. C'est simplement moi qui ne suis pas à la hauteur. Dutilleul intervint. si je puis me permettre, mademoiselle. Vous avez pris un sacré coup sur le museau et je trouve que vous montrez beaucoup de courage face à ce terrible événement. Vraiment, dit Aurore Fèvre dans un souffle. Absolument. Il n'est jamais évident de reconnaître que l'on s'est trompé, particulièrement à votre âge. Vous ne dites pas cela pour me faire plaisir. Non, je le pense sincèrement. Aurore Fèvre se tordit les mains. Si seulement je pouvais vous aider plus. Oh, croyez bien que vous m'aidez. D'ailleurs, vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé. Pourquoi votre amie Jessica n'est pas allée à l'enterrement ? Cette fois, Aurore Fèvre sembla s'animer. C'est vrai, je ne vous l'ai pas dit. Papa et maman Sablon ont subitement eu une envie irrépressible de faire une croisière et Jess, naturellement, devait absolument les accompagner, quitte à rater quelques cours. J'étais révolté. Je l'ai trouvée d'une lâcheté. J'avais honte pour elle. Quand je pense qu'elle est venue crâner ici. Je n'ai plus un instant à moi. Nous avons tant à faire. Il faut que je me trouve deux ou trois robes de soirée. Aurore Fèvre avait prononcé cette phrase d'un ton tellement snob que du tilleul sourit. La jeune fille s'ouvrait, et il ne voulait surtout pas la couper dans son élan. Visiblement, Madame Fèvre lui en était reconnaissante. Aurore Fèvre poursuivit. Je l'ai mise à la porte, et je ne le regrette pas. Elle m'apparaissait soudain si stupide, si vaine. Je me suis senti submergé par le dégoût. Heureusement que maman était là, parce que sinon, je crois que j'aurais pu faire une belle connerie. Elle m'a réconforté en me disant que j'avais bien agi, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai enfin accepté d'entendre ce qu'elle avait à me dire. Nous avions convenu avec papa de particulièrement te surveiller. Nous savions bien qu'une chose de ce genre pouvait se produire et nous nous étions préparés. Le choc était trop rude pour demeurer sans conséquence. J'aurais tellement aimé connaître cette Marion. Vous l'auriez immédiatement adorée, toi et papa. Elle avait la tête sur les épaules, contrairement à moi. Dutilleul choisit ce moment pour reprendre le fil de l'entretien. Vous connaissiez un peu son histoire ? Pas vraiment. Je sais que ses parents sont morts très jeunes. Elle avait leur photo de mariage dans son portefeuille et une grande affiche de sa mère dans sa chambre. Je crois qu'elle posait pour une pub de parfum. Même si l'affiche datait un peu, on pouvait voir qu'elle était vraiment très belle. Je sais que Marion y tenait beaucoup parce qu'elle l'avait fait mettre sous verre. Pourquoi alliez-vous réviser chez Marion ? Je vous l'ai dit, parce que l'appartement n'était qu'à 10 minutes à pied et que c'était super calme. Il devait bien y avoir autre chose, surtout si, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, Jess n'appréciait pas Marion. Oh, cela, je ne l'ai compris que bien plus tard. Si Jess n'aimait pas Marion, en revanche, cela ne la gênait pas de l'utiliser. Ainsi, à chaque fois que Jess coinçait sur un exercice, ce qui était souvent le cas, parce qu'en fait elle ne fichait pas grand-chose, elle proposait d'aller passer un moment à l'appartement. Exactement comme s'il lui avait appartenu en propre. Comment réagissait Marion ? Elle s'en fichait. Je crois qu'elle était heureuse d'avoir un peu de compagnie et du moment qu'on apportait à manger. Parce que dans ce domaine, il ne fallait pas trop compter sur Marion. Elle n'aimait pas faire la cuisine. N'empêche qu'une fois, on a très bien mangé. Des spaghettis bolognaises super bons. Marion n'a jamais voulu nous dire qu'il les avait faits. Vous ne saviez donc vraiment rien de sa vie intime ? Non, elle était très secrète dans ce domaine. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre aide. Aurore Fèvre prit une dernière fois la parole. Vous n'allez pas laisser tomber. Vous allez trouver celui qui a fait cela. Dutilleul considéra la jeune fille attentivement. Oui, mademoiselle, je vais le trouver. Vous pouvez me faire confiance. J'ai, disons, la chance de trouver assez souvent, même s'il faut faire preuve de la plus grande patience. Aurore rougit joliment. Dutilleul se dit qu'avec quelques kilos en plus, elle serait ravissante. Je sais que j'en manque. Tout le monde autour de moi est formidable, seulement c'est si dur. Je n'ai aucun mal à l'imaginer, mais accrochez-vous. Vous me direz qui a fait ça, n'est-ce pas ? Oui, je vous le promets. Je reviendrai vous le dire. C'est ce que je voulais entendre. Attention, cependant. Il vous faut être consciente que cela peut prendre du temps. Et que votre vie doit continuer. Un an est déjà passé. Il vous faut reprendre pied doucement. Mais je vous donne ma parole que même si vous êtes aux États-Unis, je parviendrai à vous laisser le message ou à vos parents. Aurore Fèvre parut soudain soulagée. Merci, monsieur le commissaire. Vous êtes chic. Je suis contente que l'enquête reprenne. Si seulement vous aviez connu Marion. Madame Fèvre choisit alors d'intervenir. Tu devrais monter te reposer. Je viendrai t'apporter un lait chaud dans un moment. Tu veux bien ? » Aurore-Fèvre lui sourit en retour, visiblement reconnaissante. « Oui, je suis Vanet. Merci à vous d'être venu, monsieur le commissaire. Cela me fait du bien de savoir que vous n'oubliez pas Marion. » Aurore-Fèvre se leva, salua du tilleul d'un signe timide et quitta la pièce. Celui-ci demeura seul avec madame Fèvre. « Vous avez là une très gentille fille. » « Oui. Je crois que dans notre malheur, nous avons de la chance. Elle n'est pas rebelle. Sa douleur n'est pas feinte. » « Oh non. Aurore est très sensible. En fait, beaucoup plus que je ne l'imaginais. Cependant, elle se montre très courageuse dans l'épreuve et nous l'admirons beaucoup, mon mari et moi. Je garderai le contact. Si votre fille se souvenait de quoi que ce soit, surtout qu'elle n'hésite pas à m'appeler. Je vous raccompagne. Merci de vous être déplacé. Dans l'été d'Aurore, c'était difficile. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de dérangement. Je vous remercie de m'avoir reçu si vite, et j'espère que votre fille se rétablira rapidement. Au revoir, monsieur le commissaire. »